Audiomatique. Oh, Pour amorcer la transmission 547 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter l'artiste d'origine suisse népalaise Aisha Devi. De son album Death is Home, paru en 2023, nous écoutions la chanson Azath Eyes. La transmission d'Audiomatique se poursuit sans attendre sur la musique du compositeur Luis David Aguilar. Thank you. Cette séquence composée d'une seule pièce intitulée Anonimo Quotidiano était l'œuvre de l'artiste péruvien Luis David Aguilar, composée en 1979 pour le film documentaire expérimental quotidien anonyme. La pièce apparaît sur l'album intitulé Ayahuasca Musica para Cine 1978-1983. Audiomatic se poursuit maintenant avec la formation américaine Roomful of Teeth. Il s'agissait à Audiomatic de la formation américaine Room Full of Teeth, de son deuxième album Render, sorti en 2015. Elle nous présentait la pièce Beneath, qui a été composée originalement par Caleb Burrens. Audiomatic reprend sans attendre sur une pièce du plus récent album de Trent Muller. Thank you. C'était la formation Future Trail qui nous offrait sa pièce All We Ever Wanted, qui apparaît sur le nouvel album Urban Shades, paru en mars 2025. Avant Future Trail, c'était le projet danois Trent Müller et sa composition I Give My Tears, tirée de l'album Dreamweaver, paru en septembre 2024. Sur cet album, Anders Trent Müller fait pair avec la chanteuse islandaise Bryndís Jakobsdóttir, dont le pseudonyme d'artiste est Disa Jacobs. En conclusion de cette transmission 5-4-7 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre l'artiste danoise M.L. Book de son premier album, mini-album Fleshy. Lancé en 2017, nous entendrons la chanson Flow. La transmission 548 sera diffusée mercredi prochain dès 17h en direct avant d'être classée dans les archives numériques d'Audiomatic, dont une des portes d'entrée se trouve sur notre profil facebook.com/audiomatic-cfou. Voici donc M.L. Book et la chanson Flow. C'était Audiomatic avec les sonoristes.